Pourquoi faites-vous tout ça? Parce que j'aime pas les lois, parce que j'aime pas les lois, parce que j'aime pas les lois. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est la guerre. Pour moi, c'est une simple formule. Que voulez-vous savoir exactement? Ou vous dire la vérité, J'en ai rien à faire, Réhabilité. Un mot qui veut rien dire, Les provocateurs de toute violence. Salut à toi qui écoute ce son, j'ai la dalle comme c'est pas mi peur. Balance la sauce, y'a quelques balles dans la pétoire. Salut à toi qui écoute ce son, j'ai la dalle comme c'est pas mi-père. Je redémarre par passion et un peu pour foutre la de merde. Ici je les vois se payer ma gueule en pressant le bouton lecture. Ils diront que c'est de la merde mais reprendront de ma mixture. J'ai pas la gueule qu'il faut, les flots qu'il faut, mais je reviens baiser l'auditoire. Ils t'aiment, balance la sauce, y'a quelques balles dans la pétoire. Ayo, je crache mon feu depuis 15 piges sur mes albums. Aucune chance de percer et je doute que celle-ci soit la bonne. J'ai vu les soldats et les putes, j'ai vu les vrais, j'ai vu les faux. Là où la rage recrute, confond pas les chats et les faux. Valeur rouge gratte ce texte, solo à la barre du dracard. Les tourmentes et le feu, ces bâtards en font pas trois quarts. J'en viendrai plus pour couper le gâteau, mais baisser mon froc et chier dessus. Tu t'attendais à rien, tu finiras quand même déçu. Sur le son, j'ai des comptes à régler, y'aura des victimes et une patte. Faudrait plus enfiler des perles, mais pour encaisser les patates, le game est mal barré. Compare mes sons à des flactos, je ramène un rat de marée. Gros, je reste un rat de marée. Et le boulot, je le ferai comme d'hab, je reste inattendu comme le comeback de femme. Depuis des années, on avance avec pas grand chose dans la panse. Mais peu importe ce qu'ils en pensent, on vient en flamme et les consciences, photo. Je t'invite à rentrer dans la tente. Et te laisse guider par les flammes. Des bastos, c'est du sang, si c'est ça que la foule réclame. Ça tourne ma tête, ça tourne en rond comme un vieux scud rayé. Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Balance un bit, on le sait, on sait que tu sais que t'es comme ça qu'on le fait.